L'actualité à Nancy et ailleurs. Ce jeudi 29 mars vont se dérouler les rencontres de l'alternance à Tomblaine, à l'espace Jean Jaurès. Pour nous parler de ce rendez-vous, Hervé Ferron, maire de Tomblaine. Et première question, est-ce la première fois que ce rendez-vous est organisé ? Non, c'est le troisième rendez-vous, c'est la troisième fois qu'on organise ça. Il se passe qu'à Tomblaine, on a énormément de jeunes, un habitant sur trois a moins de 19 ans. Mmh. Et la formation par l'alternance, à mon avis, est un véritable enjeu aujourd'hui pour de nombreux jeunes qui cherchent une voie de formation professionnelle. Et malheureusement, je trouve que la formation par l'alternance n'est pas assez valorisée, pas assez connue. Il se passe que très souvent, les parents rêvent de voir leurs enfants aller jusqu'au bac et faire certaines professions systématiquement, alors que à un moment donné, les enfants sont en difficulté et on choisit par exemple l'apprentissage, mais par défaut. Alors que ça pourrait très bien être un premier choix si on revalorisait ces formations et si on faisait en sorte que certains métiers soient aussi revalorisés, y compris dans l'imaginaire des gens, parce que beaucoup de métiers méritent d'être mieux connus. Pourtant, c'est des idées qui restent encore très, très difficiles à changer. Pourtant, l'alternance, ça fonctionne bien, très bien même. Oui, quand c'est mis en place, ça fonctionne bien. Si vous voulez, moi, par exemple, à la mairie, depuis 10-12 ans, je prends régulièrement des apprentis, donc des gens en apprentissage, dans des métiers très différents. Beaucoup de maires ne savent pas qu'ils peuvent prendre des apprentis. Chaque fois, on aboutit à une pérennisation de l'emploi. Pourquoi ? Parce que le jeune apprend le métier sur le terrain. Il y a un ajustement mutuel qui se fait entre l'employeur ou son chef de service et lui. C'est-à-dire on apprend à se connaître, il apprend à se comporter, un savoir-être, et il apprend aussi un savoir-faire. Et le jour où il est diplômé, eh bien, il sait en quoi il s'engage. Il est donc motivé parce qu'il a eu le temps d'être façonné et puis de se préparer à un métier. Il a découvert un métier aussi. Il est arrivé parfois. Moi, j'ai eu des jeunes qui sont arrivés en emploi aidé et puis ils ont découvert les espaces verts. On leur a fait faire un apprentissage et puis d'un seul coup, ils ont découvert que c'était le métier de leur vie, quoi, parce qu'ils n'imaginaient pas que c'était comme ça. Mais on ne sait pas aussi qu'on peut faire des formations par alternance dans des métiers très très divers. Il y a aussi des domaines où il y a une employabilité, tous les métiers de bouche, les bouchers, les boulangers. Il y a chaque année des centaines de propositions d'apprentissage qui sont faites dans les métiers de l'industrie en Meurthe-et-Moselle et en Lorraine et qui ne sont pas pourvus, malheureusement, parce que ce sont des métiers qui sont insuffisamment connus. Et donc, c'est l'objectif de cette manifestation. Donc, ce jeudi 29 mars, toute la journée, à partir de 9h le matin, à l'espace Jean Jaurès, des centaines d'offres vont être proposées, que ce soit du CAP jusqu'au master. Oui, alors c'est de 9h à 17h, avec une petite pause de 12h à 13h30. Effectivement, des centaines d'offres. Mais alors, ce qui n'est pas inintéressant aussi, c'est que on va avoir des démonstrations et des expositions de nombreux métiers dans des domaines très très différents. Électricité, peinture, mécanique auto, chimie, coiffure, simulation de vol. On a un simulateur de vol qui sera mis en place. Des démonstrations de drones, parce que par exemple, c'est un métier aujourd'hui que d'être pilote de drone, de la boulangerie, du déploiement de fibres optiques, etc. Ça s'inscrit dans une dynamique que l'on a mis en place à Tomblaine où on a lancé il y a quelque temps le projet Défi qui consiste à former des jeunes avec un partenariat avec l'Université de Lorraine, des jeunes sans qualification au départ pour qu'ils se préparent au métier d'installateur et du déploiement de fibres optiques. Là aussi, il y a une grosse employabilité. Tous ces métiers seront montrés, démontrés, et puis on aura aussi des propositions d'apprentissage. Alors, soit CAP, BEP, jusqu'au master. C'est les jeunes de Tomblaine, mais également d'autres communes qui seront les bienvenus. Vous touchez aussi des collégiens, les lycéens qui viennent, dans le cadre de leurs cours, venir participer à ces rencontres ? Bien sûr, on l'espère. Il y a deux ans, on avait reçu 1400 jeunes toute la journée. Bien sûr que c'est pour tout le monde, on en a besoin. Seront présents les CFA, publics et privés, le CFAI, les services de Pôle emploi, la mission locale et de nombreux employeurs. Et non seulement on attend des jeunes bien au-delà de Tomblaine, bien évidemment, Mais s'ils sont accompagnés par leurs parents, c'est bien aussi, parce que c'est très difficile aujourd'hui d'être parent quand on est dans l'inquiétude de l'orientation de son jeune. Et je pense que les parents seront très intéressés aussi par les propositions de formation qui seront faites à cette occasion. Alors je voudrais insister aussi sur un sujet, parce qu'on travaille beaucoup avec l'IUT de Nancy-Brabois. Il y a une employabilité dans les métiers du numérique qui est importante, on le sait. En post-bac, après le bac, dans les filières du numérique, dans un IUT comme l'IUT Nancy-Brabois, seuls 15% de filles choisissent cette orientation. Il faut que les filles se mettent dans la tête que les métiers sont autant pour elles que pour les garçons. Et là, en particulier, il y a une employabilité et il faut que les filles se réfléchissent à ce genre d'orientation parce que c'est très attractif et puis il y a une employabilité. Voilà. Merci à Hervé Ferron, maire de Tomblaine. Notez bien les rencontres de l'alternance. C'est ce jeudi 29 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à l'espace Jean Jaurès, place des Arts à Tomblaine. Des centaines d'offres du CAP au master, plus de 200 métiers à découvrir. Il y aura des démonstrations lors de cette journée. Plus d'infos sur le site www.tomblaine.fr. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.